Jean Bosco, Douiman. Bonjour, bienvenue à ce journal. Nous sommes le 22 novembre 2016. Voici les grands titres de l'actualité. Nous reviendrons dans ce journal sur les avis des politiques partagés sur la personne d'Edouard Ndouimana, nouvel homme Ousmane élu hier et qui a presté serment ce mardi devant le président de la République et les deux chambres du Parlement réunies à l'hémicycle de Kigobe. Alors que le parti FNL reconnaît en lui des qualités d'un bon médiateur, le parti Soigna Frodebou dit ne rien attendre de lui vu son passé récent. Et l'avocat de Didas Kigana est cité dans un cas d'abus sexuel sur une fille mineure, balaye d'un revers de la main les accusations portées contre son client. Entre-temps, défenseur des droits humains ayant dénoncé le premier, cette infraction a été battue ce lundi par des inconnus. Daïssa Baviane déclare sa détermination à poursuivre son combat malgré ses actes d'intimidation. Et dans la chronique santé, nous reviendrons comme promis sur la pré-éclampsie. Docteur Innocent Daïkunda nous parlera aujourd'hui des complications et du traitement de cette maladie qui attaque les femmes enceintes, généralement après la 20e semaine de grossesse. Voilà pour le sommaire. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Rebonjour. Prestation de serment ce mardi du nouvel ombudsman burundais, Edouard Ndouimana, devant le président de la République. C'était à l'hémicycle de Kigobe où les deux chambres du Parlement étaient réunies. Le nouvel ombudsman vient remplacer Mohamed Rukara pour une période de 6 ans non renouvelable. Alain Désiré Boukayenez a été à l'hémicycle de Kigobe. Voici son reportage. Moi, honorable Edouard Ndouimana, je jure fidélité au président de la... Honorable Edouard Ndouimana, tenant par sa main le drapeau national et celui de l'unité, prête serment avant d'entrer en fonction d'ombudsman. Comme prévu par la Constitution de la République du Burundi, en son article 239, l'ombudsman est nommé par l'Assemblée nationale à la majorité des 3/4 de ses membres, nomination qui est sujette à l'approbation par le Sénat à la majorité de 2/3 de ses membres. Ce mardi, conformément à l'article 5 de la loi portant organisation et fonctionnement de l'ombudsman, Edouard Ndouimana prête solennellement son serment devant le président de la République et les deux chambres du Parlement réunies avant son entrée en fonction. Moi, honorable Edouard Ndouimana, je jure fidélité au président de la République, obéissance à la Constitution et aux lois du peuple burundais. Je jure et promets de remplir mes fonctions avec honnêteté et impartialité et de ne révéler aucun secret que j'aurai obtenu pendant et après l'exercice de mes fonctions. Edouard Ndouimana devient le deuxième ombudsman burundais. Il remplace et succède Mohamed Rukara. Le mandat de l'ombudsman étant de 6 ans non renouvelable. Merci pour ce reportage. La présidence du parti FNL attend beaucoup du nouvel ombudsman burundais. Jacques Wigirimana reconnaît dans la personne d'Edouard Ndouimana des qualités pour être médiateur. Et à propos des priorités pour ce nouvel ombudsman, le président du FNL trouve qu'il faut le laisser entamer son travail. Suivez Jacques Wigirimana au micro d'Alain Désiré Boukayenez. Nous attendons de lui beaucoup de choses parce que c'est un homme d'abord expérimenté, un vrai patriote. C'est un homme qui a servi beaucoup la nation et nous avons vu ses compétences, ses qualités et d'ombudsman, d'un vrai ombudsman. Nous pensons que alors ce qu'il va faire, ça va satisfaire tout le monde. Quel programme devrait-il commencer par entreprendre? Il a en quête de charge parce que c'est une institution plutôt prévue par les accords d'Arusha, prévue par la Constitution. Alors son quête de charge est bien clair et c'est pas à moi à lui donner des recommandations. Et je recommande surtout qu'il suive, il observe ce qui lui est recommandé par la Constitution et les accords d'Arusha. C'est tout. Nous, en tant que citoyens, n'avons aucun pouvoir de lui donner des injonctions. Les leaders de certains partis politiques sont en exil et certains Burundais qui se sont réfugiés. Qu'est-ce que vous attendez sur le nouveau ombudsman pour qu'il puisse retourner et que le dialogue puisse également continuer? L'ombudsman ne remplace pas la justice. Il fait son travail de facilitation, d'écoute et d'audience, mais il n'a pas la qualité de juge. Alors, les gens qui ont fui, ils ont fui pour plusieurs raisons. Il y a des gens qui ont fui par peur d'être persécutés, et il y a des gens qui ont fui parce qu'ils ont entendent, écouter des rumeurs qui ne stabilisent pas leurs esprits. Il y a aussi d'autres qui s'accusent de quelque chose, qui ont participé dans des coups bas, dans des assassinats, dans le coup d'État là, du 13 mai. Alors ces gens-là devraient d'abord attendre les conclusions de la justice, devraient d'abord plutôt répondre à leurs accusations, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont rendus coupables des actes de barbarie, des actes de violence qui sont commis au Burundi. Jacques Bigirimana, c'est le président du parti FNL, reconnu par le ministère de l'Intérieur. Et dans un communiqué parvenu à notre rédaction, le parti Sawanyafrodebou, Nyakuri, Iragirianda Daye, félicite l'honorable Edouard Nduimana pour ses nouvelles fonctions et affirme être rassuré que ce dernier accomplira sa mission à la satisfaction de tout le monde. Ce parti lui demande de tout mettre en œuvre pour que les différentes composantes de la société burundaise soient davantage unies. Par contre, le parti Sawanyafrodebou n'attend rien du nouvel ombudsman élu ce lundi par le Parlement burundais. Selon le vice-président de ce parti, Léonce Ngendakumana, s'appuie sur ce qui a caractérisé Edouard Nduimana dans sa carrière professionnelle, en divisant notamment certains partis politiques, le Frodebou y compris, et certaines organisations de la société civile. Et c'est Léonce Nduimana qui le dit. Du côté de son parcours professionnel, nous avons suivi quelques cas quand il était magistrat en province de Bururi, en province de Kirundo, et au niveau de l'administration territoriale quand il était gouverneur et quand il était ministre de l'Intérieur. Pour le cas du Frodebou, je dois vous dire que quand il a été nommé gouverneur de la province de Kayanda, sans raison aucune, il a pris la responsabilité de suspendre le parti Sawanyafrodebou dans cette province pendant 6 mois, uniquement pour des raisons de militantisme. Et plus tard, quand il est devenu ministre de l'Intérieur, il a divisé le parti Sawanyafrodebou en deux, en Frodebou et en Frodebou Nyakuri, qui n'avait aucun sens. Nous avons tenté de lui expliquer que cela était injuste. Il n'a jamais daigné céder. Il a maintenu cette division. Et je sais qu'il a aussi divisé beaucoup de partis politiques, comme il a fait pour le Frodebou. Et il a aussi détruit et divisé systématiquement presque la totalité des organisations de la société civile qui n'adhèrent pas forcément aux orientations du parti CNDD-FDD. En combinant tout cela et en regardant ce qui est prévu dans la Constitution sur les fonctions d'un ombudsman qui est appelé à écouter les citoyens, qui est appelé à recevoir les plaintes des citoyens, les traiter et faire des recommandations au service de l'État, et qui doit jouer aussi le rôle de la médiation entre l'administration et les autres organisations de l'État, je ne crois pas qu'il en soit capable de le faire, parce qu'il œuvre beaucoup plus pour son parti que pour la nation. Ils auraient bien fait, ils auraient rendu un service à son pays en le désignant président du parti CNDD-FDD, où il s'est montré plus performant. Léonce Ngendakumana. Et parmi les grands dossiers qui attendent le nouvel ombudsman burundais figure celui en rapport avec les conflits fonciers, cela est dit par Mohamed Rukara, prédécesseur d'Edouard Nduimana. Il appelle son successeur à toujours écouter les doléances de la population et travailler dans la neutralité pour mieux assurer la médiation entre dirigés et dirigeants. Suivez l'ancien médiateur burundais Mohamed Rukara. L'ombudsman fait la médiation entre le citoyen et l'administration publique. Il aura un grand rôle d'être humble, d'approcher surtout la population vulnérable, comme vous connaissez bien. La majorité de la population burundaise est pauvre et vulnérable. Puis, comme vous voyez, notre pays, c'est un pays surpeuplé. On a les problèmes toujours des terres, problèmes fonciers. Je crois que c'est le grand chantier que j'ai laissé derrière moi en conseillant au nouveau ombudsman d'être naître, impartial, avec beaucoup de détermination, d'indépendance, d'esprit surtout. Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans votre institution d'ombudsman? C'était avant tout, au début, le budget n'était pas suffisant, dépendant des travaux que l'ombudsman, les activités qu'il doit faire. Et surtout, l'année 2015, j'ai eu beaucoup de difficultés avec les manifestations et tout ça. Comme vous voyez, l'ombudsman doit être proche de la population. Je crois que c'est le moment le plus difficile que j'ai vécu en 2015. L'ombudsman doit être un serviteur du peuple. Comme vous l'avez dit, j'avais eu des moments difficiles dans ma vie, hein, parce que j'avais eu des dossiers très chauds, les dossiers de la corruption, les dossiers de quoi, des dossiers qui n'étaient pas faciles à gérer. Mohamed Rukara, c'est l'ancien médiateur national. Il est 13h05 à Bujumbura. Vous suivez Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Je vous l'avais dit dans les titres, les accusations portées contre Didace Kiganahe selon lesquelles il aurait violé une mineure de 16 ans est en montage d'après son avocat. Maître Wenceslas Vanyatuyaga indique que son client n'a pas touché à cette fille. Bien plus, ajoute-t-il, Didace Kiganahe n'était pas sur le lieu du prétendu crime. Maître Vanyatuyaga précise que si son client avait été là, il aurait été arrêté par la police. On l'écoute au téléphone avec Joseph Sabiyabandi. On a approché les proches, la famille et les voisins de la personne en question. Ces derniers nous ont bien révélé que la fille, contrairement à l'âge, donc 16 ans qu'elle prétend avoir, a au moins 22 ans ou 21 ans, en tout cas plus de 20 ans. Alors, c'est une personne majeure qui se fait victime de sa minorité. Selon notre source, c'est une maman à deux garçons. Vous contestez peut-être l'âge de cet enfant, mais vous ne contestez pas qu'elle a été avec votre client. Être avec mon client, c'est une chose. Ne pas être avec, c'est une autre chose. L'avoir approché et l'avoir touché, c'est une autre chose. Dans l'une de trois situations, en aucun cas, mon client n'a approché la fille. Il se trouve que au moment où la police se présentait pour l'arrestation, dit mise en cause, celui-là n'était pas là, ce dernier n'était pas là. Des sources sur place disent que la fille mère en question s'est rendue dans une des chambres de son motel-là à partir du bistrot où on prend la bière. Elle s'est rendue là et subitement, avant deux minutes, les policiers se sont présentés sur le lieu pour dire que la fille ne cherchait qu'à se faire dire licre. La police a été interpellée pour intervenir dans cette affaire. Est-ce que, selon vous, elle est intervenue sur une fausse alerte? La police est intervenue sur un montage. Sur un montage qui a, où derrière il y a une main et le goût du gain. La police a fait son travail. La police, c'est sa mission habituelle. Elle est chargée de recueillir les informations concernant une infraction qui peut être en train de se commettre ou qui pourra se commettre éventuellement. Donc, elle peut prévenir et c'est dans ce sens que la police a été alertée et ne pouvait que agir dans ce sens. On n'a pas une dent contre la police. S'il s'agit d'un montage, pourquoi votre client ne se présente pas devant la police pour clarifier cette affaire au grand jour? Est-ce que je vous ai dit qu'il ne se fait présenter devant la police? Il s'est présenté. C'est pour dire que lorsqu'il recevra convocation, il se présentera devant la police. Laquelle police dit aujourd'hui que le suspect est en cavale? Je ne sais pas ça. Cette information, je ne sais pas encore. Voilà, c'était Maître Wenceslas Vanyatuyaga, c'est l'avocat de Didace Kiganahe. Il était au micro de Joseph Nsabeyabandi. Toujours dans ce dossier, des gens non encore connus ont battu ce lundi le président de l'association de lutte contre le chômage et la torture, Vianney Ndayisaba, président de cette association, dit s'être retrouvé au milieu d'un groupe de 17 personnes qui ont d'abord discuté pour savoir si oui ou non c'était bien lui, avant de le battre à l'aide de gourdins. Il estime que son passage à tabac est lié au dossier d'abus sexuels dont se serait rendu coupable Didace Kiganahe contre une fille de 16 ans, une infraction qu'il a dénoncée le premier. Mais Vianney Ndayisaba déclare qu'il ne compte pas fléchir pour autant sur ce dossier ni pour d'autres dossiers de violation des droits de l'homme. Suivez. J'étais battu par 17 personnes côté de la permanence du parti CNDD-FDD de la commune Kamenge, battu physiquement des coups de bâton. Mais alors, j'étais libéré par le portier rencontré dans ce lieu. Mais je peux imaginer que notre humiliation, notre torture, basée sur quelques dossiers en rapport de la violation des droits de l'homme que j'étais assisté et que j'étais en cours de traduire en justice ces auteurs de son violation. Mais je n'ai jamais arrêté notre engagement de défendre les droits de l'homme. C'est notre engagement. Je félicite les forces de l'ordre burundaises qui fait des interventions rapides pour protéger notre vie. Et je félicite la justice burundaise qui fait immédiatement des enquêtes actuellement pour essayer de traduire en justice ces auteurs de notre torture. Est-ce que la justice est au courant de votre cas? Oui, actuellement la justice est au courant et la police même. Il y a un dossier que vous avez entamé en rapport avec un abus sexuel contre une fille de 16 ans. Est-ce que vous allez abandonner ou continuer? Je n'abandonne pas ce dossier parce que c'est notre, je dis toujours, c'est notre engagement. Même des personnes qui préparent des tortures envers moi pour essayer de faire peur devant moi, je leur dis qu'il faut arrêter. Moi, je m'engage à défendre le droit de l'homme. Je n'abandonne pas, je continue et il me donne la force au lieu de la peur. Dans la suite de ce journal, il y a un trou non couvert contenant des câbles de la régie des eaux tout près de l'école indépendante en face de l'UDECOR en mairie de Bujumbura et qui entrave la circulation aux passants dans cette localité. Ces derniers se lamentent qu'il y a des personnes qui y sont tombées déjà et que pendant cette période de pluie, ce trou pourrait causer d'énormes dégâts. La population travaillant près de ce lieu demande à la régie des eaux de venir couvrir ce trou le plus rapidement possible. Suivez ce témoignage d'un des conducteurs de taxi qui stationnent souvent près de ce lieu. Les agents de la régie des eaux ont creusé un trou pour réparer une fuite d'eau dans cette jonction de ces deux rues. Ils ont laissé ce trou comme ça sans le couvrir. Jusqu'à maintenant, ce trou a déjà causé beaucoup de problèmes. Certains sont tombés dedans, d'autres sont parfois électrocutés. On pourrait compter 5 personnes qui sont tombées dans ce trou. Dans cette période pluvieuse, les dégâts pourraient s'alourdir du moment où il y a certains passants qui ne portent pas de chaussures qui pourraient avoir des problèmes à cause de ce trou. C'est un grand problème pour les passants et les gens qui travaillent près de ce lieu. Ce trou dépasse déjà 2 mois sans être couvert. Nous demandons alors à la régie des eaux de venir vite pour réparer ce problème. Sachez qu'à la régie des eaux, ils indiquent qu'ils ne savaient pas ce problème, mais qu'ils vont voir ce qu'ils vont faire pour régler cette situation. Il est 13h12 à Bujumbura. Les nouvelles des provinces sans transition. Du policier ont trouvé la mort. Ses autres blessés lors d'un accident d'un camion qui a eu lieu cette nuit, la nuit dernière, vers 21h, au chef-lieu de la province Mwaro. Ce camion, en provenance de Matana, transportait des policiers de la région centre en relève qui retournaient vers leurs anciens postes d'attache. Selon le commissaire de police à Mwaro, dans la matinée de ce mardi, le camion était encore dans la rivière Kayokwe. Des blessés ont été transférés à l'hôpital de Kiwumbu, d'autres à l'hôpital de Gitega pour être soignés. Un ménage de la colline Muyange en commune Nyabihanga de la province Mwaro a été attaqué la nuit dernière par un groupe de bandits munis d'armes blanches ayant tenté de voler des moutons dans ce ménage. Ce groupe a blessé 5 personnes à la machette avant de prendre le large, selon les sources administratives. Laurent Dikourio pour les détails. C'était vers minuit 30 minutes de cette nuit de lundi à mardi quand un groupe de 3 bandits armés de machettes et de gourdins a attaqué le ménage de Garungu Cyprien de la colline Muyange en commune Nyabihanga de la province Mwaro. Selon les sources administratives de la commune Nyabihanga et confirmées par le commissaire provincial de la police à Mwaro, ce groupe a volé 4 moutons dans son ménage. Par après, le chef de cette famille a alerté et demandé au secours les voisins. Ce dernier a couru sur les lieux. Ils ont pu récupérer ces moutons qui venaient d'être volés. Au moment où les habitants de cette colline essayer de capturer ces bandits. Un d'eux a essayé de les repousser avec sa machette. Dans cette dispute, 5 personnes de cette colline ont été blessées à la machette. Un certain Bizimana de cette colline a vu son bras coupé à la machette par un de ses agresseurs. Il a été transféré à l'hôpital de Kiwuya en province Gitega et les 4 autres personnes ont été amenées à l'hôpital de Kiwimba, toujours dans la même province de Gitega, pour subir des soins. L'administrateur de la commune de Nyabihanga, Adrien Nzunimana, et le commissaire provincial de la police à Mwaro indiquent que personne n'est encore arrêté pour le moment, mais précisent que les enquêtes continuent. De Mwaro, Laurent Dikourio, Radio Isanganiro. Merci Laurent. Les administratifs à la base ont l'obligation de s'approprier le contenu de la nouvelle loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre. Ce document, remis ce lundi au chef de zone de la commune Muyinga, est en français, ce qui pose un problème d'interprétation à ses administratifs réclamant la publication des lois en langue nationale, le Kirundi. Les détails avec notre correspondant, Dieudonné Nzeyimana. En entre autres innovations apportées par la nouvelle loi portant prévention, protection des victimes et répression des violences basées sur le genre, des précisions sur des pratiques traditionnelles préjudiciables au genre, notamment l'olévira, forcer sa femme à avoir des rapports intimes après l'accouchement, l'union libre, les rapports sexuels avec les guérisseurs traditionnels. La nouvelle loi réaffirme les dispositions du code pénal en matière de procédure, le principe de la saisine d'office et de stricte application, et les associations régulièrement déclarées depuis 2 ans, se proposant par des statuts la lutte contre les violences basées sur le genre, peuvent se joindre à la victime des faits ou porter plainte en lieu et place des victimes. Cela est prescrit à l'article 29. La loi a été promulguée par le président de la République le 22 septembre de cette année, et lundi, c'était le tour des chefs de zone de la commune de Muyinga de recevoir le document de cette loi à expliquer dans la communauté. Tâche difficile pour pas mal d'administratifs à la base, maîtrisant uniquement le Kirundi alors que le texte a été imprimé en français. Denise Ndarouhekere, conseillère du gouverneur de la province Muyinga sur des questions d'ordre social, demande à ses administrés de se faire appuyer par des intellectuels vivants dans la communauté pour d'éventuelles interprétations. Le mieux serait que les lois soient traduites en Kirundi, une doléance à soumettre davantage aux élus du peuple, d'après son conseiller. De Denise Imana, Muyinga Radio, Isanganiro. Mais c'est sur le www.isanganiro.org. Ce jingle annonce l'actualité internationale. En République démocratique du Congo, la supposée double nationalité belgo-congolaise du Premier ministre Sami Badibanga est au centre d'une polémique au niveau du Parlement. Et au Mali, 5 militaires et un civil ont été tués par des hommes armés lors des élections municipales qui se sont déroulées ce dimanche. Des détails et d'autres nouvelles avec Grace Nyonzima. En République démocratique du Congo, le nouveau Premier ministre Sami Badibanga a été naturalisé par la Belgique en 1992. La constitution congolaise stipule que la nationalité congolaise ne peut être détenue concurremment avec une autre nationalité et que pour occuper une fonction officielle dans le pays, il faut être congolais. Selon le site web RFI, pour le ministre des Relations avec le Parlement, Trifor Kinkie, cette double nationalité du nouveau Premier ministre pose un problème juridique et moral. Du côté de l'opposition, José Makila, président de l'Alliance des travailleurs pour le développement, estime que ce débat n'a tout simplement lieu d'être car depuis 2007, un mémoratoire décidé par l'Assemblée nationale permet de conserver sa nationalité étrangère et tout de même occuper des fonctions officielles dans les institutions de la RDC. Au Mali, selon les chiffres obtenus directement auprès des commissions de centralisation des opérations de vote, le taux de participation est au moins de 25% dans les 3 des 6 communes de la capitale. Selon les résultats partiels, le RMP, parti présidentiel, tirerait son épingle du jeu dans au moins de 2 communes et la dément un parti de la mouvance pour le moment dans une commune. Des violences ont émaillé le déroulement des opérations de vote. Des urnes ont été enlevées ou brûlées dans certaines localités. Une mission de l'armée malienne qui revenait du nord en direction de la localité de Douanza venait de participer à une opération de sécurité des opérations de vote. Subitement, des hommes armés tendent une embuscade et il y a eu des échanges de coups de feu. 5 militaires maliens et 1 civil sont tués. Radio Isanganiro Chronique. Et dans la chronique santé, ce mardi, c'est la suite de celle diffusée dernièrement sur la pré-éclampsie, une maladie redoutée qui attaque les femmes enceintes, généralement après la 20e semaine de grossesse. Le gynécologue Innocent Daikunda nous parle aujourd'hui des complications et du traitement de cette pathologie qui peut conduire au décès de la mère et de l'enfant, il l'a dit à Francine Néokougaïo. Nous vous avons parlé dernièrement de la pré-éclampsie, cette maladie fréquente de la grossesse associée à une hypertension artérielle et à l'apparition de protéines dans les urines. D'après le gynécologue Innocent Daikunda, si cette pathologie n'est pas traitée à temps, elle peut conduire au décès de la mère ou de l'enfant. Chez la mère, c'est une maladie qui atteint plusieurs organes, malheureusement les organes nobles du corps humain. Quand elle atteint les reins, on aura une insuffisance rénale. Quand elle atteint le foie, on aura une insuffisance du foie hépatique. Quand il atteint le cerveau, on aura une hypoxie, c'est-à-dire un manque d'oxygène dans le cerveau qui se traduira par des convulsions, finalement par le coma et décès maternel. Chez le fœtus, donc l'enfant dans le ventre de sa mère, on aura un défaut, je dis, de vascularisation, un défaut d'apport de sang au niveau du bébé. Vous savez, c'est le placenta qui nourrit le bébé pendant 9 mois. Et imaginez-vous si ce placenta ne fonctionne plus bien et que l'enfant n'a plus ce dont il a besoin pour grandir. C'est un enfant qui sera mal nourri en termes de sang provenant de sa mère, ce qui va se traduire par un retard de croissance intra-utérin. Ce sont des enfants qui ont un très petit poids par rapport aux enfants de même âge. Et c'est un enfant parce qu'il n'est pas bien nourri, ses reins ne sont plus bien perfusés, ce qui va se traduire par le fait que les enfants ne vont pas uriner suffisamment. Quand ils ne vont pas uriner suffisamment, ça va se traduire par un défaut de quantité du liquide amniotique dans le ventre de la mère. Et s'il y a un défaut de liquide amniotique, c'est un enfant qui sera plus ou moins coincé dans l'utérus de sa mère et c'est un enfant qui peut finalement mourir dans le ventre de la mère. Le gynécologue indique que malheureusement, le traitement de la prééclampsie a des exigences. Pour sauver la mère, on fait souvent recours à l'extraction du fœtus et de son placenta. La seule façon de traiter de façon radicale et définitive la prééclampsie est la séparation du corps de la mère du placenta. Or, cette séparation devient difficile compte tenu du terme de la grossesse auquel est survenue la prééclampsie. En effet, si la prééclampsie survient de façon très précoce, 4 mois et demi, 5, 6, c'est un enfant qui a entre 500 grammes et 1,2 kg. Ce sont des enfants qui sont très difficiles à élever même dans le service de néonatologie bien équipé. Et ce qui revient à dire qu'à un certain moment, on est obligé, en fonction des complications qui sont prévisibles de cette maladie, d'interrompre la grossesse parce que la santé de la mère prime sur celle de l'enfant. Sinon, si la prééclampsie survient de façon tardive, quand l'enfant est déjà viable, on préfère programmer un accouchement, soit par voie basse si les conditions le permettent, soit par une césarienne en fonction de l'état de l'urgence et de la disponibilité du plateau technique. Une maladie difficile à prévenir car on ne détermine pas souvent qui y est vulnérable plus que l'autre. La maladie est difficilement évitable parce que ces facteurs de risque en fait sont presque partagés par d'autres pathologies, c'est pas spécifique à la prééclampsie. Ce qui revient à dire qu'on a du mal à prévenir cette maladie parce qu'on ne sait pas exactement qui parmi 10 femmes qui sont enceintes fera a priori une prééclampsie. La seule façon de prévenir la prééclampsie étant le respect des consultations prénatales, ce qu'on appelle communément les consultations prénatales recentrées, c'est-à-dire que les femmes devraient consulter précocement, on devrait leur indiquer ce qu'il faut faire pendant la grossesse, qu'elles doivent se comporter en évitant le stress même si c'est difficile, de ne pas se fatiguer à un certain moment. Plus il y a de fatigue, plus il y a de stress, plus la prééclampsie peut survenir. Ces consultations pourraient se compter à 6 au minimum pendant les 9 mois que dure la grossesse pour éviter d'éventuelles complications, selon toujours le gynécologue Innocent Ndayikunda. Merci monsieur, madame. Merci madame Francine pour tous ces détails sur cette maladie redoutée, comme vous le dites, la prééclampsie qui attaque les femmes enceintes généralement après la 20e semaine de grossesse. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a aidé à le réaliser. J'ai bénéficié de la complicité technique de Toussaint Mitebouzi. Au micro, Jean Bosco Douimana. Nous vous souhaitons de passer un très bon après-midi.